Fetch on the tech. test. Salut, j'arrive pas à régler ma carte son. Thank you. Sur le même canal. Salut. J'essaye de régler le même canal avec une piste pour la voix, une piste pour la basse. Ok. Et tu vois, moi là j'ai la voix qui passe dans les deux et la basse qui passe dans les deux, mais ça c'est l'enfant. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, je comprends rien. Et sur Reaper, c'est bon. Hey, hey, hey.